بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في المسألة 27 بعد 100. صفا ستشين مسألة في قوله تعالى: وإذ استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لهم أو فأذن لمن شئت منهم. Dans le sens où Allah dit que si jamais ils te demandent la permission pour certaines de leurs affaires personnelles, alors permets-leur, accorde-leur l'autorisation pour ce que tu voudras parmi eux. Verset 62, Sourate Nour. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا هو الإذن لمن شاء. وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم يوهم خلاف ذلك. Donc ce noble verset démontre que le prophète صلى الله عليه وسلم donne l'autorisation de s'absenter à qui il veut. Et pourtant la parole dans le sens où il dit que Allah te pardonne pour ce que tu leur as accordé, c'est-à-dire de s'absenter. Ou plutôt, Allah te pardonne. Et pourquoi leur as-tu donc permis de s'absenter, c'est-à-dire du djihad, dans Sourate At-Tawbah. Donc ce verset-là laisse apparaître le contraire du verset qui est le barth de cette mas'ala. Qala wal jawab zahirun wa huwa annahu sallallahu alayhi wa sallam لو الإذن لمن شاء من أصحابي الذين كانوا معه على أمر جامع كالصلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك كما بينه تعالى بقوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من شئت منهم. Donc il dit, la réponse elle est apparente, c'est que tout simplement sallallahu alayhi wa sallam, il lui est permis d'accorder à qui il veut parmi ses compagnons, parmi de ceux qui étaient avec lui pour une chose liée lors d'une assemblée générale, ou comme la salat al-jumu'a, ou pour le Eid, ou pour la salat al-jama'a, ou pour une consultation qui leur permet de s'absenter si jamais ils demandent autorisation. Comme le prouve la parole dans le sens où il dit, et ceux qui étaient avec lui pour une chose, une assemblée générale, qui ne partent pas tant qu'ils n'ont pas demandé la permission. Et ceux qui demandent la permission, ceux-là sont ceux qui croient en Allah et au messager. Et que si jamais ils te demandent la permission, alors accorde-leur. Si jamais ils te demandent la permission pour une chose personnelle, alors accorde-leur parmi ceux que tu voudras parmi eux. C'est le verset, la 62, Sourate An-Nur. أما الإذن في خصوص التخلف عن الجهاد فهو الذي بينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأولى فيه أن يبادر بالإذن حتى يتبين ألا يبادر بالإذن حتى يتبين له الصادق في عذره من الكاذب ولذلك في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Et quant à l'autre verset qui lui dit qu'il ne devait pas leur donner la permission, il s'agit quoi ? D'une permission spécifique qui est le fait de ne pas participer au djihad. Donc Allah à ce moment-là, Allah Azzawajal à ce moment-là, a montré à son messager qu'il ne doit pas se hâter à leur accorder tant qu'il n'aura pas vu qui est le véridique dans son excuse et qui est le menteur en réalité. Tu ne leur permets pas de s'absenter, si ce n'est après que tu aies vu qui ils sont réellement. C'est pour cela que dans le verset, il dit qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donc permis, avant de savoir qui étaient les véridiques, et que tu connaisses qui sont les menteurs, ou que tu saches qui sont les menteurs. Verset 43. Donc là, nous apparaît qu'il n'y a pas de contradiction entre les versets et la science autopoie d'Allah Azzawajal. Wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.